Bonjour à tous et bienvenue sur French Pod. Nous avons une nouvelle leçon intermédiaire. Je m'appelle Amaury. And I'm Erica. Alors, aujourd'hui, le décor, on est au bord de la mer. Which should be nice and relaxing. Should be. Sitting there by the sea. Cela devrait. But it's also important to remember that in the sea, there's stuff in there. Donc, on va voir ce qui va se passer. Yeah, let's not say anything else. Et voici le dialogue. On va se baigner? Tu crois que c'est prudent? J'ai entendu dire qu'il y avait des requins par ici. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens! Oh là là! Tu as vu ça? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas vrai! Je crois que j'ai vu un aileron de requin! Arrête, c'est ton imagination. Tu vois des requins partout. Il n'y en a pas en France. Ça ne veut rien dire. Dans les dents de la mer 4, non plus, ils ne s'attendaient pas à voir un grand requin blanc. Et pourtant... Mais t'es bête ou quoi? C'est un film. Je sais de quoi je parle. J'ai regardé toutes les émissions de Jacques Cousteau. Je te jure que j'ai vu un... Est-ce qu'on va revoir cette personne? I don't know. Let's start at the beginning, though, what happens. On va se baigner. So this word, se baigner. Oui. We would think that means to take a bath, right? D'accord, ouais, mais c'est pas ça. Right, what is it? Se baigner, c'est plutôt aller à l'eau. To go in the water, to swim. What's the difference between se baigner and nager, which also means to swim? Alors, nager, c'est l'action. Okay. It's like the exercise. Voilà, exactement. And you're doing laps. Tandis que se baigner, c'est aller à l'eau. Yeah, it's just go in the water and play and relax. Exactement. Donc on va jouer. Float. Voilà. Se baigner. He's a little hesitant. Oui, il ne croit pas que c'est prudent. So prudent means prudence, but it's more common in French, I think. It's used a lot. Vraiment beaucoup, ouais. Il se demande si c'est prudent ou pas. Whether it's safe and also wise. Prudent. Does he have a reason? Une bonne raison. Okay, what is it? Il a entendu dire qu'il y avait des requins par ici. That's good enough reason for me. Can you use the word requin somewhere else, outside of, you know, like the ocean? On peut l'utiliser dans le vocabulaire du business. What is a requin in the business world? Alors, c'est pour qualifier certaines personnes sans scrupules. Ah, okay. Qui sont prêtes à tout pour arriver à leur fin. Business shark. Mm-hmm, exactement. It's unscrupulous, knows no boundaries, if it means to get the deal. Voilà. He's a requin. So, raconter means to narrate or tell. Yeah. But then this expression, qu'est-ce que tu racontes? Literally, what are you narrating? Means like, what a bunch of nonsense. Exactement. What are you talking about? There's no requin ici. Ben oui, ça veut pas dire grand-chose ce que tu dis. Yeah. So, he says... Allez, viens. Go, come. Means like, come on, let's go. Arrête de raconter des histoires. Yeah, just come on. Allez. Viens. Okay. So, I guess they went and they... Begin to se baigner. Voilà. But then something happens. Il croit qu'il a vu un aileron de requin. And that would stop anybody. Il n'était déjà pas rassuré. And then he sees it. What is the word for the shark fin? Aileron. Yeah, let's do some pronunciation because I've always found that word hard to say. Aileron. Aileron. Voilà. Now, that means fin, but ouais. In English, we have just one word for fins. In French, you have two. Exactement. What's the other one? Nageoire. Okay, so the nageoire is what most fish have for fins. Voilà. And it comes from the word nager, right? C'est vrai, parce que ça les aide à nager. Yeah, it's what they used to swim. Mm-hmm. So it's the nageoire. But an aileron is that fin basically just on the requins, or maybe dolphins. The thing you see that makes you wish you weren't in the water. Oh no! She's still like, yeah, whatever, with your stories. Ben oui, il est sûr qu'il n'y a pas de requins, donc. Yeah, it's his imagination. Ben oui. What did she say to him then? Tu vois des requins partout. You see sharks everywhere. C'est facile d'imaginer. You must have sharks on the brain. But then she also gives him a reason why he's just, you know. Il n'y en a pas en France. There's no requin en France. Is it true there's no requin en France? Non, en vérité, il y a des requins. Mais il n'y a jamais d'attaque, c'est des petits requins. They're not like dangerous ones. Voilà. So he's still not persuaded. He has a really good reason to continue to worry about this. What is it? Premièrement, il dit « ça ne veut rien dire ». The only thing I want to say about that is always remember that you have the « rien » after the « veut ». So, ça ne veut rien dire. Oui, le mot « rien » doit se trouver là. Yeah, that doesn't mean nothing. Yeah. Why? Parce qu'il a vu un film que tout le monde connaît, je crois, et qui s'appelle « Les dents de la mer ». Okay, and that literally means « the teeth of the sea ». What we call in English « Jaws ». The scariest movie ever. Which one did he see? Les dents de la mer 4. Et dans ce film, d'après lui, eux non plus, ils ne s'attendaient pas à voir un grand requin blanc. Yeah. I just want to talk about two things in here. First, the verb s'attendre à means to expect. Et il doit être suivi de à, s'attendre à. Okay, and he says... Eux non plus, ils ne s'attendaient pas. Okay, it's kind of a weird structure for us because it says them neither. They didn't expect to see a great white. C'est pour insister. It's another way to say, ils ne s'attendaient pas non plus à voir. Ouais. Right? Let's do some examples. Toi non plus, Erika, tu n'aimes pas aller... dans la mer à cause des requins. That's right. Moi aussi, j'ai vu ce film. Toi aussi. Yeah. And I've never gone back in the water since. Moi non plus, je ne veux plus aller dans la mer. Mais enfin, Erika, t'es comme mes parents. Eux non plus, ils ne veulent plus aller dans la mer. Because of les dents de la mer. Après avoir vu ce film. Okay, well, he says, you know, eux non plus, ils ne s'attendaient pas à voir... un grand requin blanc. Right? A great white shark. Et pourtant... And yet, you know, the end of that story. So she's like... tu es bête ou quoi? Are you stupid or what? Bête, maybe more like silly. Are you dumb or what? Tu es bête ou quoi? Oui, ce n'est pas méchant de dire ça ici. Yeah, yeah, she's not saying, like, really telling me stupid. Just what he's saying is stupid. Voilà, right? Exactement. C'est dans le même esprit que qu'est-ce que tu racontes? Yeah. Tu es bête ou quoi? Ça n'a pas de sens. Parce que c'est un film. Voilà. Et toi, tu crois que c'est la réalité? So he's like, listen, listen here. I know about what I'm talking. Je sais de quoi je parle. Yeah, I know what I'm talking about. Okay, where does his expertise come from? Parce qu'il a regardé toutes les émissions de Jacques Cousteau. C'est pour ça, il est sûr. Yeah, there's no question. Les émissions, as I would say, TV shows. Ouais. Of Monsieur Jacques Cousteau. Grand personnage en France. And you can trust him. Because if he says il n'y a pas de requins dangereux en France, ouais. Then we can trust it, because Jacques Cousteau knows what he's talking about. You would think, but then what happens next makes us doubt this one. Il jure qu'il en a vu. Un. Un. Et là, il n'a pas le temps de terminer. But we don't know. Peut-être que ce n'était pas un requin. Maybe it was like a jellyfish. Une méduse. Méduse. Medusa, jellyfish. C'est vrai, on peut envisager n'importe quel scénario. Right. On ne sait pas ce qui s'est passé. Okay, so I say we listen to that drama again. On va réécouter ce drame. Okay. On va se baigner? Tu crois que c'est prudent? J'ai entendu dire qu'il y avait des requins par ici. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens! Oh là là! Tu as vu ça? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas vrai! Je crois que j'ai vu un aileron de requin! Arrête, c'est ton imagination. Tu vois des requins partout. Il y en a pas en France. Ça ne veut rien dire. Dans les dents de la mer 4, non plus, ils s'attendaient pas à voir un grand requin blanc. Et pourtant... Mais t'es bête ou quoi? C'est un film. Je sais de quoi je parle. J'ai regardé toutes les émissions de Jacques Cousteau. Je te jure que j'ai vu un... Donc voilà, moment terrifiant. C'est les dents de la mer 5 à la French Pod. Mais alors, Erika, tu as vraiment peur? Oui. Tu ne vas plus te baigner? Not past my ankles, maybe. And even then. Tu imagines l'aileron? Yeah, my imagination, mon imagination. Dans une piscine aussi? If I try hard. C'est incroyable. If I make an effort. C'est incroyable ce que ce film a marqué les gens. It's a good movie if it had that kind of impact. Les dents de la mer. Et pourtant, les requins ne sont pas si dangereux que ça, Erika. Je You're te right. promets. I don't care. Ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont tués chaque année à cause des requins. Vraiment pas beaucoup. Do you have any figures on that? Then I wouldn't be so sure. Je ne connais pas les chiffres exacts. Ok. Mais je suis sûr de l'exemple et ça va surprendre les auditeurs. Ça m'a surpris. Ok. C'est qu'il y a moins de tués par des requins chaque année dans le monde. Ok. Less than what? Que par des éléphants. No way. C'est vrai? Great. Now I can't go on Terry Africa safaris either. Thanks a lot. Thanks a lot, Henri. Et Jacques Cousteau aurait dit la même chose, qu'ils ne sont pas si dangereux que ça. So did you used to watch les émissions de Jacques Cousteau? J'adorais ces émissions. Les émissions étaient très bien faites. Et d'ailleurs, il était très populaire en France. Outside France too. Et ça, je ne savais pas au début, mais il est vraiment populaire en dehors de France. Yeah. Everybody knows Jacques Cousteau. He's the authority. Et c'est bien, c'est bien. On all things related to the water. Yeah. And he was like the first one too, right? To do all this water exploration. Je crois, ouais. Ben voilà, chers auditeurs, maintenant, c'est sûr, Erika ne va plus jamais aller se baigner. After les dons de la mer 5 à la French Pod, I'm never going in the water again. En tout cas, n'hésitez pas, venez sur notre site frenchpod.com where you can ask any questions and also practice your French, do some exercises. Donc, merci à tous, c'était un plaisir. On va se retrouver. Allez bien, Marie. Bon, on y va. Salut. Au revoir.